J'étais là, sous le talette, et mon cœur chantait, chantait. Je me suis dit, cette fois, ça y est enfin, après plus de 40 ans. Heureusement, je me suis dit, car c'est bien la dernière chance. Puisque moi-même, pour que soit prononcé le kaddish, puisque moi-même, c'est-à-dire, il faut que je te l'avoue. À même bientôt. Enfin, mon cœur chantait. Et je commençais à murmurer très doucement. Juste pour moi. Entre parenthèses, on entendra donc une sorte d'effet sonore conçu de la manière suivante. D'une part, très fort, les paroles du Kaddish, et en écho, plus assourdi, et travailler peut-être au synthétiseur l'équivalent français, ou allemand, ou ce qu'on voudra, selon les langues. La prière n'est pas dite en entier, n'est-ce pas? Elle va comme en mourant, et à ce moment-là, il reprend, lui. Et tout en priant, je commençais à appréhender la fin. Et ce quoi j'ai toujours. Et tout en murmurant la prière, je me préparais déjà à la fin. Et je me préparais déjà. Et j'avais une voix qui murmurait la prière, et une autre voix qui disait déjà, et dites Amen, et dites Amen. Et puis tu vois, Père, à la fin, ça a été comme toutes les fois, depuis 40 ans, je n'ai pas pu dire Amen. Et puis tu vois, Père, pardonne-moi, à la fin, hein, je n'ai pas pu dire Amen.